Ouais. Ouais. Lion. Lion. Yeah. Voilà, B. La musique du hood. Hood, hood, hood, hood, hood, hood. Premièrement, dans le game, y'a trop de petits tarbois. Reste calme, frère. J'ai mon feu dans les calepins. Wesh les pédales, ça va les pédales. Toujours prêt à se faire enfiler sur un épéda. Pour un planète rap, ça perd les pédales. T'as des traces de me sperre sur les amygdales. J'suis le candidat, ça rage les gars. J'suis venu niquer les bleus comme le Sénégal. Pas de bingo, que des bitches gros. Qui veut la vie de rêve comme le 6 gros. Tu veux nous voir dans un frigo. Wesh gringo, pas de mytho. Ou on te perfore la tête comme Wengro. Poulet blanc. C'est pour les refrains qu'il faut la monnaie dans le bloc. Qui fume de la beurre à t'en faire pousser des locks. Encore et toujours pour les rentrer dans le bloc. Rapza négro, on a ce qu'il faut pour les patards, ouais. On va descendre comme le sky au goulot. J'suis pas un rital mais va faire en coulot. Les michetons jurent sur la tête de Claudia San Pedro. Ça sent la poudre comme dans la vie d'un guêtre. Dans le rap y'a plus de prothèses dentaires que de viande à quecre. Si tu veux tirer il faut pas me louper comme le dernier maître. Poulet, bloc, poulet, poulet, bloc, poulet, poulet, poulet, poulet, poulet, poulet, bloc. Quatre soliers, gangsta gang.